col gust, ave forse la fera prodru sa ti post. L'amour e la reconnaissance devaient dans ces liens retenir ce miro. Et bientôt elle apprend qu'un nouvel imméné de son volage épouffe le plus doux. Quel monde m'avez-vous condamné? Si je perds, je donne pour jamais. Séduite par les soins de sa fausse tendresse, trahir mon père et le mien. C'est par moi que vainqueur des taureaux périlleux, il revient triomphant dans le sang de la Grèce. Une perfide immense funeste jour, le devoir, la gloire. Perisa, perisa, perisa, subacu.